C'est elle. C'est l'étoile inouïe et profonde, la vérité. C'est elle, errante âme du monde, avec son évidence où nul rayon ne ment, et son mystère aussi, d'où sort un flamboiement. Elle, de tous les yeux, le seul que rien n'endorme. Elle, la regardée et la voyante énorme, c'est elle. Ô vérité, c'est toi. Divinement, elle surgit. Ainsi qu'un vaste apaisement, son radieux levé s'épand dans l'ombre immense. Menace pour les uns, pour les autres, clémence, elle approche. Elle éclaire, à Thèbes, dans Ombos, dans Rome, dans Paris, dans l'ombre, des tombeaux. Une ciguë en Grèce, une croix en Judée, et dit : Terre, c'est moi. Qui donc m'a demandé ?